Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, Camillien Houd, Monsieur Montréal. Les citoyens de Montréal ont à cœur de faire leur large part. Ils n'épargnent aucun effort pour que leur ville, la métropole du Canada, soit non seulement une des plus grandes cités du monde, tant au point de vue commercial qu'au point de vue industriel, mais également une des plus belles et des plus progressives. En 1946, quand Camillien Houd prononce ce discours, Montréal est effectivement encore la métropole du pays. Mais le Montréal de Camillien Houd, c'est aussi celui d'avant la Révolution tranquille, un Montréal où les Canadiens français ne sont pas encore devenus des Québécois. Camillien Houd est d'ailleurs probablement l'une des dernières grandes figures politiques de ce Québec d'avant la Révolution tranquille. Au total, il aura été maire de Montréal près de 20 ans, entre 1928 et 1954, en plus d'être député à Québec et à Ottawa. Monsieur Camillien Houd a dirigé les destinées de la métropole pendant 18 années, un record qui ne sera peut-être jamais égalé. Les raisons de son succès, sans aucun doute, cette profonde affection pour le peuple, mais aussi son pouvoir d'attraction, son extraordinaire magnétisme. On pourrait dire qu'il était, politiquement, un homme orchestre. Il écrivait la musique, il faisait les arrangements, il jouait tous les instruments. C'était certes sa force, peut-être aussi sa faiblesse. Pourtant, des slogans comme celui-ci, « Dehors la clique, plus vite que ça, ça presse », sont au point de départ d'Air Nouvelle. Il était vraiment irrésistible, et nos compatriotes d'expression anglaise en savent quelque chose. Rappelons par exemple le mot d'un grand journaliste aujourd'hui disparu, Harold Digman, qui ne connaissait pas notre langue, mais disait, après avoir entendu M. Houd débattre un épineux problème en face d'adversaires farouches, je n'ai pas compris un seul mot de ce qu'il a dit, mais il m'a convaincu qu'il avait raison. On peut dire que la métropole n'a jamais appartenu à M. Camillien Houd. C'est lui qui lui a appartenu tout entier. On parlera de lui de longtemps. Pour un grand nombre, il a été, il demeurera, M. Montréal. Pour certains, il restera le petit gars de Saint-Henri, devenu grand, très grand, d'une humble grandeur. Pour tous, il restera. Et la voix sera alors toujours plus triste, Camillien. Le journaliste Lucien Côté rendant un hommage, vous l'avez entendu, bien senti à Camillien Houd, quelques jours après sa mort, à l'émission L'Actualité du 14 septembre 1958, pour nous raconter le parcours politique de Camillien Houd, ce qu'il a représenté aussi pour Montréal. Mon invité est l'homme de théâtre Alexis Martin, qui est co-directeur du Nouveau Théâtre Expérimental. Alexis Martin, bonjour. Bonjour. Vous avez publié une pièce, vous avez, d'ailleurs, cette pièce a été présentée tout récemment encore à Montréal, sur Camillien Houd. Vous avez mis beaucoup de temps à faire la recherche qu'a nécessité cette pièce, à écrire cette pièce. Pourquoi une pièce sur Camillien Houd? Qu'est-ce qui vous intéressait dans cet homme? Ben, il m'intéressait parce qu'il représente, je pense, un certain Canada français qui n'existe plus, bien sûr. Et il représentait cette espèce politique, disons, qui va disparaître à la Révolution tranquille. Et je trouvais qu'il était emblématique d'un certain Canada français. Un Canada français que mes grands-parents, mes grands-oncles ont bien connu. Et ça m'intéressait de creuser là pour essayer de mieux comprendre les gens de ma famille. Une culture propre, qui est celle du Canada français, qui va changer avec la modernisation du Québec. Une culture politique propre aussi, une manière de faire de la politique, qui va peut-être moins changer à ce niveau-là, on pourra en discuter, mais qui va changer aussi, en principe, avec la Révolution tranquille. Quelle place pour vous il occupe au palmarès des maires importants, des maires marquants de Montréal? Bien, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était sans doute le maire le plus coloré de l'histoire de Montréal. Oui. Ça, on peut le dire. C'était un personnage qui avait un charisme extraordinaire, qui était ce qu'on appelle un véritable collimateur en politique. C'est-à-dire les gens arrivaient à s'identifier avec lui, même si... Et la ville même est venue à s'identifier avec lui, même si on n'était pas d'accord avec lui, même si c'était sans doute pas un gestionnaire comme on l'entend aujourd'hui. C'était certainement pas des gens qui géraient la ville de façon très moderne. Ouais. Il y avait encore quelque chose de très colloquial, de très... Mais une osmose avec son électorat. Voilà, c'est ça, exactement. D'où pendant ce fameux monsieur Montréal. Mais c'est quand même presque 20 ans à la tête de la plus grande ville du Canada. Ouais. C'est pas rien. Alors qu'il venait d'un milieu extrêmement modeste. Il était issu d'une classe laborieuse, pas loin de la misère, de diriger la plus grande ville du Canada. Parce que c'était ça à l'époque, on l'oublie. Avant Toronto, c'était Montréal. Et il a été maire là, pendant 20 ans. Je trouvais ça quand même intéressant. Un mot encore sur sa place au panthéon des maires montréalais par rapport à Jean Drapeau, par exemple. Comment le comparer? Ben là, Jean Drapeau, j'ai plus de souvenirs. J'étais petit quand même à son âge d'or. Mais pour moi, Camille Hout, quand même, restait plus proche des gangs petits, en fait. Il s'identifiait un peu plus à la... Je pense que c'est ce qui a fait enrager beaucoup de la classe politique quand il est arrivé sur la scène, c'est que normalement, la politique, c'était réservé aux bourgeois, aux petits bourgeois. Duplessis, c'est la petite bourgeoisie. Taschereau, c'était la grande bourgeoisie. Et là, Aude arrive, fils d'ouvrier, et ça a fait enrager beaucoup les gens. On lui a même dit, t'as pas d'affaires, là. T'es même pas avocat. On lui a dit ça. C'était quand même incroyable. Puis dans ses politiques, il va être du côté des petits aussi, mais c'est pas que du populisme, c'est plus que ça. C'est vraiment un vrai défenseur des... Ben, moi, je pense qu'il y avait un réel attachement. Ouais. Il y avait un réel goût de défendre, même si, bon, ça se manifestait par la démagogie, par un simplisme, parce que le populisme, c'est ça, hein, c'est du simplisme, en fait, appliqué à la politique. Là. Mm-hmm. Alors, il y avait ça chez lui, mais je pense qu'il y avait quand même une réelle empathie. Hein, pour le sort déjà. Puis on oublie, mais le Montréal des années 20 et 30, là, ça mourait beaucoup dans les faubourgs. Ouais. La mortalité infantile était hallucinante à Montréal. Ouais, puis il va arriver donc en 28 à la mairie de Montréal, maire de Montréal en 28. Un an plus tard, c'est le krach boursier de 29. Ça sera la grande récession. On va en parler de ça, de l'impact que ça va avoir sur ses politiques, mais encore un petit mot sur comment il glisse cet homme du peuple, ce Camille Hout que vous avez décrit. Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, il décide de faire de la politique? Qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans? Bon, ça, c'est une bonne question. Moi, mon interprétation un peu, c'est que c'était un fou de théâtre, hein, Camille Hout, et il y a un mentor extraordinaire qui s'appelle le frère Marie-Victorin. Et il va donc quand même faire des études assez poussées pour l'époque. Un cours commercial, je pense, au Collège de Longueuil. Il va faire beaucoup de théâtre, là. En particulier, il va jouer Cyrano. Il paraît qu'il y avait beaucoup de talent, d'après les témoignages de l'époque. Il y avait cette espèce de jarnigouane, cette facilité à communiquer, à entrer en contact avec les gens. Et ce goût-là aussi. Ce goût-là. Ouais. Et comme je pense que c'était inimaginable pour l'époque de faire une carrière de comédien, parce que c'était une vie de bohème peu respectable au Canada français, donc qu'est-ce qui le rapprochait plus de ça? C'était peut-être la politique, au fond. Donc ça commence à Québec, parce qu'il va être partout. Il va être à Montréal, maire pendant presque 20 ans, mais il va être député à Québec. Il va même être député à Ottawa moins longtemps. Mais quand même, il est vraiment partout. Ça commence à Québec, à l'Assemblée législative à l'époque. Il est élu une première fois en 1923. Quand on regarde votre pièce, on a l'impression qu'au début, en tout cas, t'sais, vous dites que c'est la parole, c'est le public qui l'intéresse, c'est cet amour du théâtre. Il décide d'aller en politique, d'haranguer les foules. Et c'est vrai qu'au début, on a l'impression, en regardant votre pièce, qu'il n'y a pas une idée très claire de ce qu'il veut faire. Il n'y a pas de programme politique vraiment non plus. Non, je pense que ce n'est pas quelqu'un qui arrivait avec une très grande culture politique. Je pense que c'était quelqu'un qui était mu par l'ambition, une ambition nue, affirmée. Ouais. Sa femme, semble-t-il, lui disait toujours « fonce, Camillien, fonce ». Moi, mon interprétation, c'est qu'il y avait comme une sorte de succube qui lui courait après, puis c'était la misère. Puis il fallait pas retomber dans la misère. Après, je pense quand même qu'il y avait un réel amour pour la chose publique, pour être tribun, hein, pour appeler aux gens, pour répondre à leurs besoins. Je pense qu'il y avait quand même sincèrement quelque chose là. Mais quand il arrive à l'Assemblée législative, c'est fascinant parce que j'ai beaucoup fouillé dans les journaux de débat de l'Assemblée législative. Et au début, c'est difficile pour lui parce que là, il n'est plus au collège, il n'est plus dans l'auditorium du collège. Là, il est face à des hommes politiques rompus à la chose publique. Ça va être un peu difficile. Mais il y a quelque chose de très révélateur qui, pour moi, le rend très intéressant. C'est qu'à un moment donné, on va lui dire, toi, tu n'es pas avocat. Alors, tu n'as pas d'affaire à discuter cette loi-là parce que tu ne connais rien là-dedans. Et là, la répartie vient. Il dit, bien, le ministre du Travail, qui n'est pas ouvrier, lui, ne parlera pas des choses ouvrières. Ouais. Donc là, tout à coup, là, je pense que le sport de la politique rentre en lui. Mm-hmm. Et c'est suffisant pour justifier une carrière, ça. Et cette carrière... Cette piqûre-là, il l'a assez vite. Effectivement. Puis assez vite, on y revient, il y aura la crise. Cette carrière va commencer avec cette grande dépression, le crack de 29, puis la crise économique des années 30. On a un extrait, vous allez voir, c'est intéressant, Jean Drapeau. On parlait de Jean Drapeau il y a un instant, qui commente justement ce contexte assez particulier dans lequel Camille Hout va passer la première partie de sa carrière politique comme maire de Montréal. Quel genre d'impact ça va avoir pour lui? On écoute donc Jean Drapeau en parler à l'émission L'Histoire comme ils l'ont fait en février 1967. Quelques mois après son élection, il a eu à affronter une période économique extrêmement difficile. On se rappelle le crash de la bourse de 1929. J'ai la conviction que Hood aurait voulu faire beaucoup de choses, aurait voulu, disons, déclencher une période aussi palpitante que celle que nous vivons ici à Montréal depuis quelques années. Mais comme les crédits lui manquaient et comme il y avait beaucoup de chômage, eh bien, M. Hood a dû modifier la conception qu'il se faisait de l'administration municipale et transformer celle-ci en un vaste département de bien-être social. Il a quand même manifesté son désir de réalisation, puisqu'il a quand même entrepris la construction de marchés publics, de nombreux tunnels, de bâtiments qui aujourd'hui font sourire ou rire, mais dans le temps c'était une innovation, les Vespasiennes. Et il aurait souhaité, c'est évident par ces réalisations-là, qu'il aurait souhaité entreprendre beaucoup d'autres choses. Mais ce qui reste de la carrière de Hood nous permet d'être convaincus qu'il aimait Montréal comme sûrement peu de Montréalais jusque-là l'avaient manifesté. À quel impact ça va avoir, cette fameuse crise économique, Alexis Martin, sur la carrière de Camillien Hood? Puis qu'est-ce qu'il va réussir à faire durant cette crise? Bien voilà, alors Jean Drapeau le dit très bien. Moi, j'avais lu quelque part dans les archives qu'on a dit on a transformé la ville de Montréal en agence de secours direct. Oui. Donc même à l'hôtel de ville, il y avait des distributions de souliers aux écoliers. Là. Tu sais, il y avait quelque chose d'inouï. Et j'ai l'impression que là, le Canada français se retrouve un peu les culottes baissées. C'est-à-dire que les réseaux traditionnels d'entraide, de coopération, ils tiennent pas la route devant l'immensité de cette crise-là financière. C'est-à-dire que tout à coup, on est face à un capitalisme mondialisé. Et on se rend compte que nous, Canadiens français, dans notre vie un peu insulaire en Amérique, tout à coup, toutes les portes, toutes les fenêtres sont ouvertes et on n'a plus de défense. J'ai l'impression que c'est ça, le Montréal des années 30. C'est-à-dire que c'est une grande ville, mais qui a encore des moyens de coopération, des réseaux d'entraide qui sont dignes des campagnes québécoises. Mais ça ne marche plus dans une grande ville. Alors, tout à coup, là, il y a des dizaines de milliers de chômeurs. C'est incroyable. Les gens crèvent de faim à Montréal. Les maires font des soupes de feuilles puis d'écorce. Écoute, c'est inouï. Les enfants meurent de diarrhée. T'sais. Et là, Hood, il est pris les pieds et poings liés là, devant ça. Et il va prendre acte, il va réagir, en fait. Il va essayer de secourir du mieux qu'il le peut. Voilà, ceux qui en ont besoin. Mais ça sent l'improvisation, il va aller se battre à Québec et à Ottawa parce qu'il dit, écoutez, il y a des argents qui ont été débloqués, faites-le parvenir à Montréal le plus vite possible, on n'arrive plus, il va y avoir une insurrection. Et là, la politique se mêle là-dedans. Moi, j'ai lu qu'il y a eu beaucoup de difficultés à avoir des argents d'aide. Mm-hmm. Et puis là, il va essayer de trouver des travaux, il va essayer d'occuper les gens. Et entre autres, ça va donner le jardin botanique, qui pour moi est peut-être un des plus beaux legs de Hood. Un mot sur son écartèlement politique. Je le disais il y a un instant, il est partout. Il est maire de Montréal, il est à Québec, il est à Ottawa. Qu'est-ce qu'il fait courir? Qu'est-ce qui l'intéresse? La politique municipale, provinciale, fédérale, qu'est-ce qui l'intéresse d'abord et avant tout? Il a l'air d'être complètement obsédé, par exemple, en regardant votre pièce de Louis-Alexandre Taschereau. Oh, absolument. Est-ce que c'est pas Québec qui aurait voulu faire carrière? Mais tu sais, Jacques, j'ai l'impression, à travers toutes les lectures que j'ai faites, puis l'avoir côtoyé, disons, à ma façon, c'est aussi un batailleur. Oui. Et ces gens-là étaient en chicane perpétuellement. Et à l'époque, les journaux étaient des instruments d'attaque féroces. Alors, il était prêt à partir par certains journalistes, comme Asselin. Il était prêt à partir par des politiciens, évidemment, comme Taschereau, mais aussi Tédé Bouchard, ou Godbout, ou à Ottawa. Alors, les gens étaient toujours en train de se battre puis de régler des comptes entre eux. Puis la meilleure façon de régler ces comptes, c'est de se faire élire. Alors, de se faire élire à Ottawa, à Québec, à Montréal, d'occuper le plus de postes possibles, plus de moyens, plus de tribunes, plus de moyens de se défendre. Et à un moment donné, il venait pris dans une sorte de filet d'attaque puis de contre-attaque qui finissait plus. C'était assez fascinant. C'était un sport extrême à l'époque. Puis être politicien à l'époque, c'est le cumul des mandats. Là. Il fait ce que d'autres ont fait. On est politicien partout. C'est un peu c'est comme ça. Et ça nous donne plus d'outils pour taper sur ses adversaires. Ouais. Il y a un tournant très, très important pour lui, la Deuxième Guerre mondiale. En 1940, on va l'arrêter. Il va être envoyé. Il va passer 4 ans de sa vie dans des camps d'internement. Pourquoi? Dans quelles circonstances? Bien, je pense clairement, c'est qu'il y a une loi qui est la loi de l'enregistrement obligatoire, qui est en fait le prélude à la conscription. C'est pas la conscription encore, mais le gouvernement dit, bon, écoutez, on fera pas la conscription, mais vous devez quand même vous enregistrer, remplir un formulaire. Et là, Hood dit, non, non, non, non. là, là, on refuse de signer ça parce qu'on sait très bien où ça nous mène, c'est à la conscription. Mais c'était la loi des mesures de guerre, c'était sous cette égide-là, je pense. Alors, à ce moment-là, il n'avait pas le droit de faire cette déclaration-là, comme magistrat, certainement pas. Et il est arrêté alors qu'il est maire de Montréal. C'est pas rien. Et là, il est interné d'abord à Petawawa, puis ensuite à Fredericton, pour la durée de la guerre. Ouais. 4 ans de sa vie. Pourquoi il s'oppose, par ailleurs, à la conscription? Bon, ben, il y avait un courant énorme au Canada français contre la conscription. On disait que c'était la guerre des Anglais, qu'on allait être instrumentalisé par l'Empire britannique pour aller se battre pour la reine. Alors, les Canadiens français, comme lors de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, ne voulaient pas en entendre parler. Mm-hmm. Et on leur avait promis qu'il n'y aurait pas de conscription. Mm-hmm. Et encore une fois, on trahissait ces promesses-là. Et il n'était pas tout seul, Aude, là, dans cette opposition-là. Il faut faire attention. Là. Il y avait un fort courant. Là. La plupart des intellectuels québécois n'étaient pas chauds à cette idée-là. Vous évoquez dans votre pièce une certaine sympathie qu'aurait eu Camille Aude pour un Mussolini, par exemple. Ah, ouais. Il y a Adrien Arcand, le fureur canadien, qui est dans les parages à ce moment-là. Ouais. Ça va être un ennemi de Aude, mais c'est vrai que Aude... Arcand appuie Aude. C'est le chant des sirènes du fascisme. Et puis, partout en Occident, dans tous les pays, surtout des fois par les canaux catholiques, l'homme providentiel, tu sais, le fascisme va séduire certaines élites politiques. Et ça lui parle. Oui, ça lui parle. Ouais. Et il y a des gens autour de lui qui grenouillent autour de Aude, comme Hertel Larocque, par exemple, qui sont un peu des proto-fascistes à la petite semaine, là, qui vont épousser. C'est vous, l'homme providentiel. Ouais. Les ouvriers ont besoin de votre voix. Est-ce qu'ils réalisent, puisqu'ils s'opposent donc à cette conscription, est-ce qu'ils réalisent la menace, par exemple, qu'un Adolf Hitler représente? Ben voilà. Moi, l'argument que je fais, et puis ça, c'est peut-être très contestable, c'est que je pense que si Aude... Je crois. Écoute, là, tu sais, je m'avance. Si Aude avait su vraiment ce qui se passe en Europe, je pense pas qu'il y aurait eu la même attitude par rapport à la conscription. Mm-hmm. Je pense que le Canada français, encore là, était assez isolé, manquait de background politique européen en général. Les gens se rendaient pas compte des atrocités qui se déroulaient là-bas. Et moi, c'est ce que je fais dire à Peter Berkovitch, qui était un député juif de Saint-Louis, qui lui reproche à Aude, au fond. T'es très fier d'avoir tenu tête au gouvernement canadien puis d'avoir purgé tes 4 ans, mais c'est peut-être parce que tu voulais pas te battre. Et puis là, Aude dit « si j'avais su ». Mais bon, alors là, on peut contester mon interprétation. Oui. Il va quand même passer donc 4 années dans ces camps de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Comment ça va se passer pour lui? Écoute Hector Grenon, l'historien Hector Grenon, qui parle de cet épisode de sa vie à l'émission Aux 20 heures en mars 1979. Le silence, le détenu numéro 694. Comment se fait-il que même vous, qui avez été le confident de Camille Aude, vous dites qu'il n'a jamais raconté exactement? Il n'a jamais voulu raconter. C'est-à-dire qu'il ne m'a jamais raconté à moi. Il a peut-être raconté à d'autres. Et j'en doute. Il n'a jamais voulu raconter cette période de sa vie. C'est-à-dire rentrer dans les détails. Moi, j'en ai pas eu connaissance. Moi, je savais qu'il était allé en prison. J'étais dans l'armée, alors je ne le suivais plus, moi, à ce moment-là. Moi, j'avais un autre job à ce moment-là. Il n'a pas voulu raconter cette période-là. Il y a une raison, c'est difficile à dire. Il aurait pu sortir au bout de 6 mois. Mais il avait dit à Hector Dupuis, père d'Yvon Dupuis, tu vas venir avec moi, je vais être arrêté. Et Hector Dupuis il a répondu à ça, il y a une déclaration sermentée là-dessus. Je n'ai pas les moyens d'aller en prison avec ma famille. Et Aude a rajouté à ça, moi je n'ai pas les moyens de ne pas aller en prison. Je vais être battu tout à l'heure. Alors tant qu'à être battu, il voulait avoir un rôle de martyr ou quelque chose de même. Oui. Et à l'élection suivante, au bout de là, c'est Reynaud qui est arrivé. Oui. Reynaud s'est représenté, mais Aude n'est pas sorti. Oui. Il a laissé faire le deuxième terme. Et là, il est sorti en 1944, et là, il a été élu. On dit qu'il n'y a pas eu de flair. Mettons qu'il y a eu de l'instinct. Il a su jouer. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que cet homme-là serait sorti trop vite, alors qu'il avait la chance de dire plus tard, oubliez pas que j'ai fait 4 ans de prison. Que dire, Alexis Martin, de ce qu'on vient d'entendre? Est-ce qu'il y a quelque chose comme, je ne sais pas si c'est prémédité, mais de calcul politique. Mais 4 ans, ça me semble long, un peu. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on lui a offert à plusieurs reprises, écoutez, récusez-vous, et on vous libère. Parce que Ottawa n'aimait pas, parce qu'il y avait un élément nationaliste au Québec qui n'était pas content, donc il fallait calmer le jeu. Ouais. Et que Aude a dit, non, moi, je ne me récuse pas. Changer une virgule, l'idée de changer une virgule, mon sens coagule, je ne sais pas c'est quoi le verre. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai lu pas mal de correspondance parce que je suis ambigu, je suis ambivalent. Parce que dans la correspondance, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait quand même une souffrance réelle. Sa femme est seule avec les enfants. Ouais. Aude n'est pas mort riche, hein. Il ne s'est pas enrichi avec la politique. Il n'avait pas de fortune personnelle. Donc, il avait mis sa famille dans une situation précaire. Tu sais, il parle même à un moment donné, « Vends ma montre » ou « Va vivre à la campagne, c'est moins cher ». Donc, je trouve pas que c'est comme une partie de plaisir, ça. D'un autre côté, je lis que quand même, il s'arrangeait. Le soir, il y avait des spaghettis avec ses amis italiens, parce que tous les Italiens de Montréal étaient là avec lui, parce qu'il était interné, étant membre de suspect d'une nation ennemie. Ouais. Donc, ça a l'air qu'il patinait. Il y avait une patinoire, il se faisait des parties de cartes. C'était pas, c'était pas un camp de martyrs non plus. Alors, j'avoue que je suis un peu ambivalent par rapport à tout ça. Est-ce que 4 ans pour un calcul politique, c'est ça long. Me semble long un peu. Mais, ça reste des camps de détention. Mais qu'il y a eu au début peut-être ce calcul-là, peut-être, oui. Ouais. Il reste qu'au bout du compte, calcul ou pas, le résultat va être le même. Effectivement, quand il revient à Montréal, c'est le triomphe. Absolument. Il est accueilli vraiment comme un héros. Oui, on a les films d'archives, là, c'est incroyable. Là. C'est la cohue à la gare... Réélu à la mairie. Oh, puis là, après, sans interruption jusqu'en 1954, jusqu'à temps qu'il se retire, il y avait presque plus d'opposition à la fin. Là. Ouais. Il en reste quoi? On a parlé un petit peu de ce qu'il a pu faire pendant la période de la récession, mais ce sera 10 autres années à sa libération des camps qui l'attendent à la mairie de Montréal. Son legs, son héritage, comment mesurer le bilan mais de cet homme-là? Ce qui est passionnant, ce qui m'a passionné, moi, Jacques, c'est que quand même... J'ai l'impression que dans les dernières années de sa vie, il se rend compte que c'est plus la génération de la situation. Il n'est plus l'homme de la situation. Et tu sais, quand Aude meurt en 58, Duplessis en 59, le budget du gouvernement du Québec quand Duplessis meurt, c'est quelques dizaines de millions de dollars. Quelques années plus tard, avec le sage, l'évêque, les autres, on est dans les milliards de dollars. Tout à coup, c'est l'État technocratique moderne qui naît. Ces hommes-là n'étaient pas du tout en mesure de comprendre puis de voir ça. Ou alors, ils sentaient, mais ils savaient bien qu'ils étaient plus, qu'ils n'étaient pas les hommes de la situation. En tout cas, un lien, probablement. Effectivement, un homme d'une autre époque, un État qui n'était pas géré de la même façon, qui ressemblait en rien à l'État québécois actuel, mais des politiciens, pour boucler la boucle, qui avaient une proximité avec le peuple qu'on peut, Alexis Martin, presque difficilement imaginer aujourd'hui. Une affection, en fait. Oui, non, c'est vrai. Est-ce que les gens étaient, en général, moins cyniques envers les institutions politiques? Et envers les gens qui animaient ces institutions qu'aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque, il y avait encore cette idée que l'homme politique est celui qui fait progresser et c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance? C'est peut-être ça la grande différence. Mm-hmm. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, les gens s'attachent moins ou s'investissent moins dans les personnes publiques. Alexis Martin, auteur, metteur en scène, comédien, je le rappelle, donc, vous avez signé cette pièce, Camillien Aude. Les auditeurs pourront aller au texte directement. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.